Le président donna ensuite la parole à Guy Malouvier, secrétaire général de la commission préparatoire du congrès de Carrare. De la volonté populaire de l'espoir parmi de tous les anarchistes. plusieurs efforts de coordination afin de promouvoir le seul destin qui soit encore à la mesure de l'homme, le socialisme sans échec. La commission préparatoire du Congrès international de la Fédération anarchiste de Carrara termine ici son travail. Nous avons porté des politiques, nous avons consciencieusement étudié et tiré la leçon qu'il se pouvait des échecs du passé. À vous, pour réussir. C'est au congressiste de la presse qui se justifie d'en poursuivre la réalisation. L'anarchisme se développe et se développera dans le monde parallèlement à la découverte et au nourrissement chez les peuples de l'idée de liberté. Notre mouvement doit occuper la place de joie qui nous revient dans la découverte de ce processus. Et ce mouvement, il sera. Ce que nous aurons la terre en volonté d'histoire. De Paris à Buenos Aires, de New York à Moscou, de Tokyo à Mexico, ce que nous construirons ensemble. Dans la ténacité sereine et imperfecte, une fraternité sans frontières. Vive le socialisme libertaire ou l'anarchisme.